La Théo des fleuves de Jean-Marc Turine. Quatrième épisode. Théodora, Naoum et Aladdin sont allés à la capitale. Ne pouvant y travailler, Théodora décide de retourner seule dans sa région près du fleuve. Lorsqu'elle se présente dans une usine pour y suivre un apprentissage, elle reconnaît le milicien qui l'a blessée au sein avant la guerre. Sa tentative de suicide lui vaut une condamnation dans un camp de rééducation par le travail forcé. Pendant ce temps, Aladdin, Naoum et Assia réussissent à quitter leur pays, le pays voisin, et trouvent un asile en Occident. La vieille Théodora se réveille doucement. Thibaut, tu es là? Oui, grand-mère. Et la petite fille? Elle dort. Comment s'appelle-t-elle? Personne ne le sait. On dit la petite fille. Nous, on l'appelle Fébalbois. Il faut la nourrir. Et mettre une couverture sur elle. Il faut rentrer maintenant. Partir d'ici et rentrer à la maison. Et donner à manger à l'enfant. Tibor s'approche de la petite fille. Il la prend dans ses bras et part avec Théodora. Elles se sont adoptées, la vieille et l'enfant. La petite fille va rester avec la vieille. Nous l'avons décidé ainsi. Oui. Personne ne sait d'où elle vient. Un matin, on l'a trouvée sur un trottoir. Elle pleurait pas, elle était là. Elle n'a pas dit son nom. Elle refuse de le dire encore aujourd'hui. D'où vient-elle? Comment est-elle arrivée chez nous? Elle ne veut pas nous le dire. Alors si la vieille veut s'en occuper, qu'elle la prenne, qu'elle lui donne à manger et lui achète des vêtements. Elle est plus riche que nous tous réunis ici. Elle est plus riche que tous les habitants du quartier réunis. Si on n'avait pas été à la police. Et pour que les flics la placent dans un orphelinat, on fait pas les choses comme ça, nous. Ah là là, moi j'en ai assez des rabâchages de la vieille. Mais qu'est-ce qu'elle imagine? Nos yeux voient ce qu'ils voient. On l'a pas attendue pour savoir la malédiction qui nous poursuit. Elle fait semblant de découvrir nos ghettos, nos bidonvilles, la belle affaire. Elle aurait tombé à ce qu'on dit, mais sa chute ne nous a rien apporté, sinon une pauvreté plus grande. Et des insultes, revenues d'un autre temps. Nos oreilles entendent ce qu'elles entendent, et nos ventres clament qu'ils ont faim. Le passé, c'est le passé, elle pourra rien y changer. Si elle pensait nous aider, elle serait pas revenue pour nous encombrer de son cadavre. Ah, c'est vrai ça. Moi, je m'en brandis les balustrines des rémoirements de la viole. Mais pas du tout, pour une fois qu'il se passe quelque chose dans ce trou d'ignorance, qu'elle parle la grand-mère. À partir de ce jour, la petite fille vit avec la vieille Théodora et Tibor. J'ai beaucoup oublié. Et je n'ai pas écrit comme je m'étais promis de le faire. Je n'ai pas lu comme j'avais espéré le faire. Les circonstances de la vie m'en ont empêché. Je n'ai jamais réellement guéri de mes cahiers jetés dans les flammes par les miliciens. Bonjour, je m'appelle Livia. Je te reconnais, j'étais la femme du contremaître. Tu es venue chez nous un matin, il y a longtemps. Ah, je m'en souviens. Je te reconnais aussi. J'ai eu le temps de repenser. Comment vas-tu? Aucun mal. Quelqu'un d'autre t'atteint? Personne. Je t'invite à venir chez moi. J'habite toujours dans la même maison. Tu n'as rien à craindre. Mon ancien mari vit dans une autre province. Je sais le mal qu'il t'a fait à vos familles. Du moins, une grande partie. Lorsque tu seras reposé, je te demanderai de combler ce que j'ignore. Et tu as accepté son invitation. Tu ne t'es pas méfié. Tu ne la connaissais pas. Je n'avais rien à perdre. Je n'avais nulle part où aller. Je ne savais plus rien de Naoum. Et d'Aladine. Je n'avais pas d'argent. Combien de temps es-tu resté en prison? 6 ans. Dans un camp de rééducation, comme il disait. C'est long. Livia m'a raconté ce qu'elle avait découvert sur son mari. Moi, j'ai beaucoup dormi durant le mois passé chez elle. J'ai beaucoup parlé aussi. Livia écoutait, posait des questions. Et moi, une question m'obsédait. Pouvais-tu imaginer son passé ? On devinait une partie, des allusions, quelques mots ? Ah non, non. Et non, et cela m'épouvante. J'ai cherché, je cherche encore. Je me suis interrogée 10 fois, 5 fois. Je n'ai trouvé aucun indice qui aurait pu m'alerter. Je ne comprends pas comment il a pu vivre sans exprimer le moindre remords. Tu m'as sauvé la vie. Et celle de mes enfants, en me forçant à ouvrir les yeux. Si tu n'étais pas venue, je vivrais toujours avec lui dans l'ignorance, dans un confort de pacotille. Je ne mesurais pas ce que je faisais, ce n'était pas prémédité. Je dois t'avouer, nous savions, nous pouvions savoir ce qui vous arrivait. Qui pouvait réellement l'ignorer? Et cependant, bien peu se sont levés pour vous porter assistance. Je n'en étais pas. Et aujourd'hui, tu en connais beaucoup qui se lèvent pour prendre notre défense, malgré ce qui nous est arrivé. Comme si nos morts n'étaient qu'un accident ou une simple erreur. Ce qui a changé, c'est que l'on ne peut plus nous rejeter ouvertement. C'est simplement un peu plus hypocrite. Parlons plus de ça. Maintenant, je dois retrouver Naoum et Aladdin. Tant que je n'aurai pas découvert un signe, même infime, de leur existence, je ne peux pas envisager de m'arrêter quelque part. Même si je dois consacrer ma vie à ça. Je pensais ne plus avoir à faire ce que j'ai vécu durant toute mon enfance, bouger sans cesse. C'est à ce moment-là que tu es reparti pour la capitale. Oui. Même si l'espoir de retrouver Aladdin et Naoum était très mince, je ne pouvais pas ne pas partir à leur recherche. Les voisins ne savaient plus rien d'eux. Il ne s'en souciait pas. Une femme avait gardé une courte lettre laissée par Aladdin. Et je suis allé là où Aladdin me demandait de me rendre. Là-bas aussi, un court billet m'attendait chez une femme, rescapée, comme nous. Elle n'avait plus entendu parler d'Aladdin, ni de Naoum, ni de leur passeur, ni d'Asia. Finalement, j'ai décidé de retourner dans une ville proche du delta du fleuve pour tenter de quitter le pays, par la mer. Lorsque Théodora prend la décision d'aborder le capitaine d'un bateau marchand de 47 mètres, le Samaveda, elle porte des vêtements d'homme. Une casquette d'un bleu délavé enferme sa longue chevelure. Elle a suivi cet homme pendant plusieurs soirées à la tombée de la nuit, lorsqu'il quittait son bateau. Salut. J'ai plusieurs fois observé ton bateau, l'activité de tes marins. Quelle est votre prochaine destination? Avons-nous une destination? C'est pas en ces termes que nous parlons. Et mes marins, comme tu dis, sont avant tout des amis ou des frères. Tous de nationalités différentes. Moi aussi, toi, si tu veux. Merci. Par la force des choses, nous sommes polyglottes. Et l'un des compagnons originaires de l'extrême sud américain invente une langue universelle. Et cet homme s'est présenté à nous sous le nom d'Éleuther. Il est le plus âgé d'entre nous. Il a quitté sa terre, sa ferme et ses chevaux après la mort de sa femme et de ses enfants lors d'une prise d'otage menée par un groupe armé politico-mafieux. Lorsqu'il a embarqué après avoir vendu tout son patrimoine, il désirait se rendre en Europe du Sud pour s'y établir. Transporter deux malles, l'une avec de nombreux vêtements de la meilleure qualité et l'autre contenant des livres. et une fortune dont nous jouissons encore aujourd'hui. Il n'est plus descendu à terre depuis 12 ans. Ah. Nous évitons la fréquentation des terres depuis longtemps. Nous préférons les bourrasques océanes au discours. Les mers nous protègent des appels des morts, des cris des torturés, des plaintes des affamés, sans les ignorer pour autant. J'aimerais visiter le bateau, si c'est possible. Par simple curiosité, je peux même pas imaginer comment la vie s'y organise. Je te donnerai une réponse demain, à la même heure. Ici même, devant l'entrée. Je ne prends aucune initiative sans consulter mes compagnons dauphins. Salut. Demain, là. Le lendemain soir, portant les mêmes vêtements d'homme, Théodora retrouve le capitaine devant l'entrée du bistrot. Des hommes que tu as vus dans le salon du silence sont les mécaniciens, Absalon et Mardak, son jumeau. Ils viennent des montagnes d'Europe centrale. Le troisième, Yacoub, est notre radio. Il travaillait déjà comme radio dans les bureaux de la capitainerie du port. Lorsqu'ils arrivent sur le pont supérieur, le capitaine se tourne vers Théodora et il défait les boutons de sa veste dont il soulève les pans en un mouvement ample. Tu es femme, que veux-tu ? Quitter le pays en votre compagnie. En général, c'est pas comme cela que les choses se passent. Je t'ai laissé me suivre, tu m'intriguais. Ta maladresse me plaisait. Et puis cela porte à sourire. Ta casquette. Crois-tu vraiment qu'il camoufle l'épaisseur de ta chevelure ? Et ta veste dissimule très imparfaitement la rondeur de tes seins. Bien joué, quand même. Et sur le Samaveda, nous sommes tous des joueurs. Je ne suis pas sûre d'être une joueuse. Mais je sais ce que je ne veux pas. Je ne sais pas d'où tu viens, ni qui tu es. Tu me le raconteras peut-être. Mais ton audace nous séduit. Le pianiste Babadag l'a compris. Il est réellement muet. Il l'est devenu. Sous la torture. C'était un ténor de renom qui mettait sa renommée au service de l'opposition politique. Ses bourreaux ont détruit ses cordes vocales, croyant l'anéantir. Ils ignoraient que Babadag jouait du piano. Sans quoi il est probable qu'ils auraient détruit ses mains également. À sa sortie du camp de travail après 9 ans, il a repris l'étude du piano et jouait dans les bars pour gagner un peu d'argent. Le harcèlement policier a continué. La torture morale a remplacé la torture physique. Je parlerai à mes amis. S'ils acceptent ta demande, le secret de ta présence à bord du Samaveda sera gardé. Quoi qu'il advienne, et où que ce soit. Merci. Le Samaveda a appareillé depuis 7 jours. Théodora est montée à bord avec, pour seul bagage, un sac en cuir contenant quelques vêtements. Chaque nuit, Joseph Foudrol, le capitaine, rejoint Théodora dans sa cabine, baptisée la nef des corps harmonieux, pour l'aimer. Chaque nuit, Théodora résiste à la demande de son amant de raconter l'origine de la cicatrice sur sa poitrine. Tu m'as mise en garde contre la mélancolie qui peut envahir le cœur des terrestres lorsqu'ils affrontent la tranquillité troublée des mers. Je suis une terrestre, ne l'oublie pas. Je ne crains pas les démesures des océans ni leurs surprises, mais je redoute ma propre histoire. L'amour assouvi, Théodora découvre le passé de Joseph. Il a navigué sur toutes les mers et tous les océans. Il a favorisé des transports d'armes destinés à des peuples colonisés, luttant pour leur indépendance. Le Samaveda a recueilli des égarés en mer, fuyant des régimes militaires ou simplement la pauvreté extrême. Écoute-moi. Je suis une négresse blanche. Et voilà l'explication de la cicatrice. Une négresse blanche, une fille du vent, si tu préfères. Le jour se lève, je vis, nous vivons. La lumière va nous emporter, nous distraire. Fais encore jouir ta négresse blanche, et ensuite, sa cicatrice parlera. La cicatrice parle, raconte, dévoile. Les mots sortent du corps de Théodora sans qu'elle s'en aperçoive. Joseph ne provoque rien. Il laisse le récit de Théodora se former, se reprendre, s'emballer. Théodora marche dans le bateau, elle lit, se repose dans le salon du silence. Elle écrit sur les pages d'un cahier que Joseph lui a offert. Tout lui procure un renouveau. Je le donnerai à lire à Aladdin et à Naoum, que je retrouverai. J'en ai la conviction. Si je perds cette certitude, je ne peux pas vivre. Écoute, si tu veux. Si mon père avait ouvert les yeux, s'il avait pu entendre ma mère, simplement l'entendre dans ce qu'elle était, il aurait découvert une femme immense. Je ne peux pas pardonner à mon père de m'avoir mariée à Vassili. Il m'a offerte comme une vache ou une truie à la famille de Vassili, pour le seul motif qu'elle était plus riche que la nôtre. Je ne lui reproche pas de m'avoir mariée à 15 ans. Toutes les filles étaient mariées à cet âge, et parfois même plus jeunes. Je lui reproche de ne pas m'avoir vue telle que je me montrais. Je vais te dire aussi, lorsque j'ai reconnu le jeune milicien devenu contremaître, ce n'est pas l'émotion de me trouver soudainement face à lui qui m'a fait m'évanouir, mais l'impossibilité de le tuer. La nécessité de posséder un couteau est venue de là. Et la lame que je me suis enfoncée dans le ventre, je m'étais préparée à l'enfoncer dans le sien. Je me sentais prête, forte. La présence d'Olivia, des enfants, je n'ai pas pu. Je ne sais pas ce qui m'a fait tenir debout après cela. L'espoir fou de revoir un jour Naoum, Aladdin, je n'aurai pas de réponse. Je suis là. À certains moments, le regard de Théodora s'imbibe d'une douleur que les mères ressentent au souvenir de l'enfant qui ne se réveille pas. Lors d'un repas, Joseph dit à Théodora : J'ai rencontré Aladdin et Naoum il y a plus de 2 ans, dans une ville portuaire sur la côte ouest de l'Europe. Ils offraient un spectacle dans le kiosque installé sur la place principale. Je les ai invités sur le bateau. Aladdin a joué avec Babadag pendant que Naoum nous éblouissait jusqu'aux larmes, avec son corps d'une grâce et d'une expressivité époustouflante, pour dire les ravages de sa vie, de toute sa vie, de toute vie. Le lendemain, Naoum a proposé à Babadag de travailler ensemble. Je crois que la sonorité du piano, nouvelle pour Naoum, lui permettait d'essayer d'autres écritures pour son corps. Aladdin et Naoum ont partagé notre vie pendant une semaine. Pourquoi me racontes-tu cela seulement aujourd'hui ? La mer autorise-t-elle la précipitation, Théodora ? Chaque nuit, Joseph retrouve Théodora pour l'aimer. Chaque nuit, il les rapproche de leur séparation. Le Samaveda entre dans le delta d'un fleuve d'Asie du Sud-Est. Le pays, coupé en deux, connaît une guerre depuis 15 ans. Une armée de libération a mis en déroute la puissance coloniale. Des milliers et des milliers de guerriers étrangers défendent le Sud tandis qu'ils bombardent le Nord. Des milliers d'avions déversent des pluies chimiques, crachent un brouillard blanchâtre pour polluer les rizières, contaminer les rivières et les populations. Les envahisseurs expérimentent des bombes de plus en plus sophistiquées, de plus en plus meurtrières. Des centaines de villages sont rasés. On comptabilisera des millions de morts et des disparus par centaines de milliers. On recensera les estropiés, les handicapés, les enfants devenus sourds à cause des bombes. C'est là que Théodora a décidé de quitter Joseph et le Samaveda. Je n'emporte rien, même pas le cahier dans lequel j'ai réappris à écrire. Il raconte la mémoire des océans et du Samaveda qui nous a transportés. Les pages ne pourront pas s'adapter à ma vie sur Terre où des flammes pourraient le détruire. Les terres regorgent de miliciens boutonneux soumis aux ordres de chefs ambitieux, narcissiques et vulgaires. Théodora quitte le Samaveda sans aucun bagage, sauf à considérer comme bagage un livre que Joseph lui a offert. Il appartenait à mon père, qu'il avait hérité de son père, deux terrestres comme toi. Je ne connais pas l'importance qu'il avait pour eux. Je l'ai découvert dans la chambre de mon père après sa mort. Je l'ai emporté lorsque j'ai quitté ma famille. J'en ai lu certaines pages plus de 100 fois, tout au long des années. Mais prends-le. Tu en feras peut-être un confident. Le livre, et j'en suis heureux, commence une quatrième aventure avec toi. Joseph a réservé une chambre dans un hôtel au nom de Théodora pour une nuit. Demain, elle prendra un avion pour l'Europe, munie de faux papiers. Dans sa chambre d'hôtel, Théodora lit la lettre glissée par Joseph dans le livre. Merci Théodora, merci d'être ce que tu es, de m'avoir fait don de ce que tu es. Le temps est venu pour toi de partir à la recherche d'Aladin et de Nahum. Tu retournes à ta vie d'errement et d'incertitude. Nous nous quittons dans un pays en guerre. À quoi servent les guerres sinon à nous convaincre que nous vivons toujours dans le temps néandertalien de l'humanité? Nous nous quittons avant que l'amour s'affadisse entre nous. Je t'ai dit mon amour pour toi, pour ton corps en son entier, toi la négresse blanche. Je te le dis maintenant que j'écris ces mots, comme je le dirai dans ton absence. Lorsque le Samaveda jettera l'ancre dans le port où j'ai rencontré Aladin et Nahum, chercherai-je à vous retrouver. Joseph. Poudreux. C'était La Théo des Fleuves de Jean-Marc Turine. Quatrième épisode. Avec Emmanuel Riva, Nita Klein, Mila Savic, Serena Rinaldi, Jean-Claude Adelin, Maëlle Bellec, Céline Jorion, Grégory Kidel, Émilien Gobard, Martin Amic, Catherine Tartarin. Musique, accordéon Gabriel Levasseur, violon Florent Maton. À demain.